Sur ma joue, une larme coule, petite goutte d'eau s'écoule. Pour tous ceux qui manquent de source de vie, je rêve que cette larme devienne un puits. Petite goutte de pluie, tombe, tombe, mes yeux s'éclairent à ton bruit. Je rêve qu'une flaque devienne source de vie. Lorsque mon regard se pose sur l'océan, je viens à me dire que je devrais parler à ce géant. Lui demander, tout simplement, avec l'aide du vent, doucement, de faire cadeau de son eau à tous ceux qui manquent de source de vie. Une larme, une goutte, une lame, l'eau, qui redonne la joie, l'envie, le bonheur de sauver des vies. Alors, juste d'y penser, une larme vient à couler. Petite goutte, flaque, océan, mon rêve revient, je ferme les yeux, ils sont là, je les entends, des enfants rient autour d'un puits. Source de vie, source de vie, source de vie.